Yeah. Ghetto, ghetto, rockstar. C'est quelqu'un de un, à source de dingos. Les rôdeurs, original, mon cœur prend. Si je me lève le matin, c'est qu'il y a du fric à prendre. Appelle-moi si ça rappe, mais ne m'appelle pas s'il y a du flic à pendre. Par manque de chance, gars, c'est souvent dans le vice qu'on signe. Si la poisse me suit, j'irai finir ma vie dans le Wisconsin. Je n'ai pas les poches vides, mais je n'ai pas le compte en banque à Ross. J'ai le fond, la forme pour aller pisser dans leur vodka pomme. On a le talent, c'est par manque de piston qu'on force la porte. Les concurrents en manque d'inspi attendent qu'on sorte l'album. C'est un cimetière en bas du bloc, on croise des âmes errantes. Relève la tête, mais pas le bras droit comme dans les années 30. La solitude n'est pas vraiment une bombe du Kentucky. Cupidon noie l'open dans un verre de bourbon du Kentucky. Les vautours me tourner autour comme si j'étais Jadet. Main dans les poches pour prendre le million comme si j'étais Jamel. Je relativise et je rappe en attendant que la chance m'attrape. N'ai plus rien dans la tête, tous mes souvenirs tiennent dans mon Instagram. Mieux vaut mettre ta garde pour parer les coups du sort. Pour une somme, même les ténors connaissent le goût du sol. J'arrive surprenant comme un skeg sous une robe. Je reste vrai et ma démarche en bouscule d'autres. J'exige le respect, le secteur indique guêpe. J'évolue dans un essaim, accomplir nos desseins. On essaie, si t'es indécis, bah c'est simple, on t'éjecte. J'fume un gros terre, accompagné d'un thé vert. Un tas de broutilles raccourcissent mon séjour terrestre. C'est pour mes vrais que j'm'explique. J'ai la tête pleine, pas de texte vide. J'rappe le pathétique avec style. J'suis sur une planète bis, mon code d'honneur est strict. Trop son bon qu'à parler de bif. Ma technique a pas l'ennemi. Si j'deviens maître du monde, je bâtis un palais de shit. Right off them tonight.